Chapitre 17e. Oncle et neveu. Tandis que le marquis de Kerdal se rendait à Paris afin de se renseigner sur le compte de Madame de Sanlúcar et que Pedro Diaz lui confirmait les folles dissipations de son neveu, celui-ci commençait était demeuré auprès de Fernande. Don José, pendant quelque temps, semblait avoir oublié la lourde chaîne qui pesait sur son existence. Il aimait sincèrement sa femme, et il aimait plus encore, si la chose était possible, depuis qu'elle l'avait rendu père. Aussi, à mesure que le temps s'écoulait, songeait-il avec épouvante au but de son voyage et se demandait-il si la duchesse ne soupçonnerait pas sa ruine dès qu'il aborderait la question de la signature de la procuration. À cette pensée, une sueur froide courait par tout son corps. Elle avait horreur de lui-même et de l'acte criminel qu'il allait commettre. Il en était là lorsque le marquis, après un séjour de 2 semaines à Paris, annonça par un télégramme adressé à sa nièce son retour pour le lendemain dans la matinée. Tout atermoiement était donc devenu impossible. Il fallait que Don José profitât des dernières heures qui lui restaient pour aborder la redoutable question. Le soir était arrivé au milieu de ces cruelles alternatives. Le bâtard de Clodion et la duchesse se trouvaient réunis dans le petit salon qui s'ouvrait sur leurs 2 chambres à coucher et sur la terrasse qui dominait l'océan. La soirée avait été magnifique et le croissant de la lune qui versait sa douce clarté sur la mer argentait les vagues qui venaient mourir au pied de la falaise avec un murmure plein de mélancolie. Angèle Maréchal était demeurée auprès de Fernande et sa petite Lucienne regardait en souriant la fille de la duchesse qui avait reçu, à sa venue au monde, le nom de Jeanne, qui rappelait celui de son père. José, que la présence d'Angèle gênait fort dans cette circonstance délicate, aurait bien voulu l'éloigner, mais il ne savait à quel prétexte recourir. Enfin, une idée lui vint. « Ne trouvez-vous pas qu'il se fait tard, ma chère Fernande, dit-il, et qu'il serait grand temps de reconduire notre enfant à sa nourrice ?»« Quoi qu'il m'en coûte de me séparer de notre Jeanne, répondit la duchesse, « la prudence l'exige, mon ami, et je me rends à votre désir. » Elle posa une dernière fois ses lèvres sur le front de sa fille, et elle pria Angèle de veiller à son coucher. Angèle Maréchal prit l'enfant dans ses bras, et elle sortit avec Lucienne. José Fernande était enfin seul. José, afin de n'éveiller aucun sentiment de défiance dans l'esprit de sa femme, crut qu'il serait habile d'entamer la question sur un ton léger. « Cher ami, j'ai une petite requête à vous adresser, » dit-il à la duchesse, en prenant dans son portefeuille la procuration que Carmela lui avait remise. « Voyons votre requête, mon ami, » qui, en apercevant le papier ambré, se rappela tout à coup la recommandation que lui avait faite son oncle avant son départ pour Paris. « Ah, c'est fort peu de chose, » continua le bâtard, « une simple formalité à remplir, une signature à mettre au bas de ce papier. » Tout en prononçant ces paroles, il est allé prendre une plume qu'il avait trempée dans l'encre. Fernande ne prit point la plume qu'il lui tendait. « Ce que vous me demandez ne peut avoir lieu ce soir, mon ami, » répondit-elle. « Pourquoi ? » répliqua José, dont le visage eut une expression de vive contrariété. « Avant de refuser, lisez le papier que je vous présente, et vous verrez qu'il ne s'agit que d'une procuration qui m'est indispensable pour administrer nos biens. »« Je n'ai pas refusé de signer, mon ami, » repartit la duchesse. « Je vous ai dit seulement que je ne pouvais le faire aujourd'hui, mais je le pourrai sans doute demain, du moins je l'espère. » Le bâtard de Clodion regarda sa femme avec un profond étonnement. « Le marquis de Kerdal, continua Fernande, m'a fait promettre de ne signer aucun papier d'affaires avant qu'il en ait pris préalablement connaissance. Or, comme il revient demain, vous lui montrerez ce papier et je m'empresserai de le signer s'il n'y voit pas d'inconvénient, comme je le suppose. » Il n'y avait rien à objecter à une explication aussi claire et aussi franche. Aussi José ne répondit-il rien. Mais la duchesse comprit qu'il était profondément blessé. Et son cœur se serra, car c'était le premier nuage qui s'élevait entre son mari et elle depuis leur mariage. Le reste de la soirée s'écoula tristement. Don José, pour cacher le dépit que lui causait sa déconvenue, fuma cigare sur cigare, puis il finit par s'absorber dans la lecture d'un journal politique. Le lendemain, il était debout dès 7 heures du matin. Il avait à peine fermé l'œil de la nuit. Il redoutait une explication avec le marquis, car il pensait que celui-ci lui demanderait pourquoi il voulait faire signer cette procuration à la duchesse. Que lui répondrait-il ? Il passa une partie de la matinée en proie à de vives préoccupations. Le marquis de Kerdal, ainsi qu'il l'avait annoncé, arriva par le train du matin, et José, qui allait le recevoir à la gare, remarqua que sa physionomie était sombre et sévère. Il lui avait tendu la main, et le vieux gentilhomme n'avait pas paru s'en apercevoir. À coup sûr, le vent soufflait à l'orage. Mais quelle était la cause de cet orage? C'est ce que José ne put deviner. Il jugea donc prudent de se tenir sur la réserve. Le marquis demeura impénétrable pendant toute la journée. Aux diverses questions que la duchesse lui adressa sur son voyage, il répondit par des mots vagues et insignifiants. Fernande, surprise de son attitude, voulut essayer une diversion en amenant la conversation sur un autre sujet. « Savez-vous, mon oncle, lui dit-elle, qu'indépendamment du plaisir de vous voir, j'attendais votre retour avec une grande impatience. » Le bâtard tressaillit à ces paroles. « Et quel est le motif de cette grande impatience ? » répondit froidement le marquis. « Il paraît, continua sa nièce, que j'ai assigné un acte nécessaire à mon mari pour l'administration de nos biens. » « Et tu n'as pas signé cet acte ? » interrompit le marquis. « J'ai attendu votre retour ainsi que vous me l'aviez recommandé. Quel est l'acte que vous vouliez faire signer à votre femme ? » dit le vieux gentilhomme en se tournant vers Don José. José avait eu le temps de se remettre de son trouble. « Si vous le permettez, monsieur le marquis, répondit-il sèchement, je m'expliquerai dans votre cabinet, car les divers détails dont je vais vous entretenir ne pourraient que provoquer l'ennui de ma chère Fernande. « Soit, monsieur le duc, repartit le marquis de Cardal, si vous n'aviez pas réclamé cet entretien, je n'aurais pas attendu à demain pour vous le demander. » Après avoir prononcé ces mots avec une rudesse qui ne lui était pas habituelle, il prit un bougeoir et il fit signe au bâtard de le suivre. L'attitude du marquis, non plus que celle de Don José, n'avait pas échappé à Fernande. « Mon Dieu, que va-t-il se passer ? » se dit-elle lorsqu'elle fut seule. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. » Lorsque le marquis de Cardal fut dans son cabinet, il s'assit après avoir indiqué un siège à Don José. « Je vous écoute, » lui dit-il. Le bâtard parut hésiter un moment, mais son orgueil froissé lui rendit tout son aplomb. « Savez-vous, mon cher oncle, » lui répondit-il, « que vous outrepassez singulièrement les droits que vous confère votre qualité d'ancien tuteur de ma femme en voulant subordonner les actes de mon administration à votre examen. Fernande est plus que ma pupille, elle est ma fille adoptive, » repartit le marquis, « et à ce titre, j'ai le devoir d'obéir à la conservation de son patrimoine. Entendez-vous par là que mon intention est de le compromettre ? » riposta Don José. « J'aime à croire, pour votre honneur, que jamais pareille pensée ne vous est venue, monsieur le duc. Mais vous êtes jeune, vous manquez d'expérience, et vous pourriez, avec les meilleures intentions du monde, commettre des imprudences, dont plus tard vous seriez le premier à regretter les résultats désastreux. Voyons, montrez-moi l'acte que vous vouliez faire signer à Fernande, ce n'est qu'après l'avoir lu que je pourrai vous dire ce que j'en pense. » Le bâtard de Clodion, à moins de rompre d'une manière définitive avec le marquis, ne pouvait refuser la communication qui, d'ailleurs, lui était demandée dans des termes courtois. Il tira de son portefeuille l'acte préparé par Carmela et le remit au vieux gentilhomme. Ce fut lentement et en pesant, pour ainsi dire, le sang de toutes les phrases et de tous les mots de cette pièce, que l'oncle de Fernande en prit connaissance. Cet examen de mauvais augure faisait bouillonner le sang de Don José. Toutefois, il attendit avec un calme apparent que le marquis eût achevé sa lecture. À mesure que l'oncle de Fernande lisait, son visage s'assombrissait. Lorsqu'il fut arrivé à la dernière ligne, il froissa le papier avec colère. « Jamais la duchesse ne signera un pareil acte !»« Qui trouvez-vous de si répréhensible ?» répondit le bâtard de Clodion. « Cet acte n'est qu'une formalité nécessaire pour que je puisse, selon mon droit, prendre en main l'administration des biens de la communauté dont la loi me fait le chef. » « Cette procuration emporte la faculté de vendre et d'aliéner le patrimoine de ma nièce. » repartit le marquis. « Sa signature, une fois donnée, vous pourriez la ruiner en moins de 24 heures. »« Un pareil soupçon m'offense, » répliqua le mari de Fernande en se levant brusquement. « Allons, je vois, monsieur le duc, qu'il faut, comme on dit, mettre les points sur les i. J'aime mieux cela, et j'aborde carrément la question puisque c'est vous-même qui avez l'imprudence de la poser. Vous voulez savoir pourquoi moi, marquis de Cardal, oncle de votre femme, je m'oppose à ce qu'elle vous confère les pouvoirs étendus que vous lui demandez. Eh bien, je vais vous le dire. C'est parce que vous en feriez un mauvais usage et que vous ne tarderiez pas à mettre sur la paille Fernande et votre enfant. » José était pâle d'émotion et de colère. « Les paroles que vous venez de prononcer sont graves, monsieur le marquis, et j'exige que vous justifiez sur l'heure l'accusation que vous portez contre moi. » « Mettez de côté cette belle indignation, car elle n'a pas sa raison d'être. » reprit le gentilhomme, trois mots me suffiront pour vous accabler. Vous êtes ruiné. Ruiné, fit le bâtard d'une voix sourde. Pendant votre séjour à Paris, vous avez follement dissipé les 2 millions qui vous avaient été légués par votre père. Oui, cette grande fortune s'est fondue comme neige, et de plus, vous êtes entré dans la voie honteuse des expédients. Vous êtes criblé de dettes. José, devant les paroles accusatrices du marquis, avait peu à peu perdu toute contenance. « Mais tout le monde a des dettes, » balbutia-t-il. « Les dettes, lorsque, comme vous, on porte un grand nom, sont toujours une faute. Elles deviennent un crime quand on se trouve dans l'impossibilité de payer. Vos paroles, monsieur le marquis, sont dures. Elles ne sont que justes, monsieur. Quelle différence faites-vous, répondez-moi, entre l'homme qui se glisse la nuit dans une demeure pour voler et celui qui abuse de la confiance de ses créanciers en escomptant un nom qui compte plusieurs générations de probité et d'honneur? Oh, je le sais. Vous espériez combler l'abîme creusé par vos dissipations en y jetant le patrimoine de votre femme et de votre fille. Moi, vivant, cela ne sera pas. Vous n'y toucherez pas. Mais, monsieur le marquis, reprit José, vous exagérez le chiffre de mes dettes. Il se borne à peu de choses. Je connais votre situation mieux que vous-même, poursuivit le terrible gentilhomme. Je sais, à un sou près, le montant de votre passif, il est de 200 000 francs. Et comment en êtes-vous arrivé là? En jetant votre fortune à une drôlesse. Oui, à une drôlesse. Car je sais aussi ce que vaut l'aune de cette grande dame de contrebande, une aventurière qui a volé le nom de son village pour s'ennoblir, et qui est en train de voler la fortune d'une illustre famille pour dorer son blason postiche. Encore, si cette misérable créature avait la pudeur de reconnaître vos folies par cette sorte de probité relative qu'on rencontre quelquefois dans ces honteuses liaisons, mais loin de là, elle se moque de vous, elle vous livre à la risée de tous, elle vous trompe. Et pour qui? Pour un ex-chanteur de café-concert dont tout dernièrement elle s'est énamourée. José n'avait aucun soupçon de l'intrigue galante de Carmela et d'Hector de Livran, et son ignorance s'explique puisque cette intrigue s'était nouée pendant son absence de Paris. Certes, il haïssait la créole de toutes les puissances de son âme, et cependant il se sentit profondément humilié de sa trahison, et surtout de l'indigne successeur qu'elle lui avait donné. Le marquis de Kerdal, après avoir lâché toute sa bordée d'un seul coup, regarda son neveu dans les yeux et se croisa les bras comme un homme qui attend une réponse. Mais le bâtard était trop atterré pour pouvoir prononcer un mot. « Eh bien, comprenez-vous enfin, dit le gentilhomme, comprenez-vous que j'ai raison de déchirer cet acte, et que l'infâme Carmela, qui sans aucun doute vous a conseillé de le faire signer à la duchesse, avec un but, celui de dépouiller votre femme de sa fortune, comme elle vous a dépouillé de la vôtre. « Je reconnais tous mes torts, » murmura José en sortant de son anéantissement. « Ceci n'est pas répondre, » répliqua le marquis. « Et que voulez-vous que je vous dise de plus? Ce que je veux, c'est que vous rompiez immédiatement avec cette infernale créature et que vous payiez vos dettes. Mais pour les payer, il me faudrait de l'argent, et vous venez de m'apprendre que je suis ruiné. Il vous faut 200 000 francs, je vous les donnerai. Mais, Fernande, que dira-t-elle lorsqu'elle apprendra? Et parbleu, elle ne saura pas un traître mot de tout ceci. Interrompit le marquis, la chère enfant, je la connais, elle ferait bon marché de la question d'argent, mais ce qu'elle ne pardonnerait pas, ce serait votre trahison. José aurait donné avec joie la moitié de sa vie pour dire au vieux gentilhomme qu'il n'avait jamais manqué à la foi jurée, et que Fernande, depuis qu'elle était devenue sa femme, avait été le constant objet de ses adorations. Mais il ne pouvait le faire sans expliquer le lien criminel qui l'unissait à la créole, et il fut contraint de garder le silence. Il importe donc d'étouffer l'affaire sans bruit ni scandale, poursuivit le marquis. Sous 3 jours, nous partirons tous les deux pour Paris, et pendant que je m'occuperai de votre liquidation financière, vous opérerez celle de votre mariage de la main gauche. Pour tout remerciement, je ne vous demande qu'une seule chose, c'est que cette rupture soit complète et qu'il n'y ait plus à y revenir. Lorsque le marquis et José rentrèrent dans le salon où Fernande les attendait avec la plus vive impatience, ils avaient l'air d'être les meilleurs amis du monde. La jeune femme sentit aussitôt se dissiper les craintes qu'elle avait conçues et elle alla au-devant d'eux avec un visage souriant. « Eh bien, mon cher oncle, êtes-vous satisfait des explications de mon mari ?»« Très satisfait, mon enfant, » répondit le marquis de Kerdal. « Cette signature qu'il m'a demandée, je puis donc la donner? Inutile, l'affaire pour laquelle il la croyait nécessaire ne l'exige point. » »« Et puis-je savoir, mon oncle, quelle est cette affaire? un placement de fonds, et il a été convenu avec mon neveu que je l'accompagnerai à Paris sous quelques jours afin de me rendre compte par moi-même des garanties que présente l'entreprise.